Arsouille et Ratatouille. Arsouille et Ratatouille, elfes ou petits lutins venus des temps lointains, vivent dans les pouilles, souvent gribouilles, adorent les nouilles et les papouilles, mais craignent les chatouilles et détestent la pluie qui mouille, car avec l'eau leurs articulations parfois rouillent et ouillent. De douleur, ils douillent. Quelle embrouille qu'ils se débrouillent! Ose dire la sotte et vilaine châtelaine, dame calembroudaine, un peu vieillotte, qui parfois radote, souvent gigote, tremblote ou grelotte, et à laquelle on conseille toujours, allez savoir pourquoi, de manger non des pleurotes ou pis d'acides griottes, mais de belles et tendres carottes. Arsouille Ratatouille, peu rancunier, pour l'amadouer, souhaite lui en offrir une botte. Dans le rot, il fouille, sort une grenouille, un vieux reste de citrouille, une quenouille, une pelote de laine, une mitaine, mais point de quoi remplir la bedaine de dame calembaudaine. De dépit, ils gratouillent leurs jolies bouilles, des excuses bafouillent et bredouillent, saluent la châtelaine avant de repartir gaiement en vadrouille, chantonnant « Tontaine, Tontaine ». Clarissandre.